Faut pas jouer avec le feu si tu veux pas te brûler. Petit, profite de la vie, très vite tout peut basculer. Préserve les bons sens et fais gaffe comment tu les traites. On ne se fait pas d'amis d'enfance dans une maison de retraite. Sois logique, aimez pas la charrue avant les bœufs. Un petit conseil d'ami, un homme averti en vaut deux. N'excuse pas les coups de pute, pardonne pas les coups de crasse. Surtout, ne va pas lécher là où tu craches. Y'a des trucs ici-bas, faut pas s'en approcher. Même un petit doigt dedans, pas évident de décrocher. Va pas te convier aux ambiances qui sont malsaines. T'approches pas trop de la cam, tu risques d'en avoir plein de zen. Réfléchis bien frère, avant de faire ta caille. Pense à ta maman, le tablier autour de la taille. Je vais pas t'écrire des textes qui te mènent à ta perte. Ni ressasser le mal, on est assez dans la merde. Ni ressasser le mal, on est assez dans la merde. Ouais. Faut toujours aller de l'avant pour ne jamais reculer. T'arrêtes pas sur l'image que les médias ont véhiculée. Et conduis pas bourré si tu veux pas finir dans l'arbre. Préserve-toi si tu veux pas voir ta maman en larmes. Et même si t'en es une, elle te prend pas pour une star. Oh. Évite l'excès, esquive l'exe et les jetards. Les paroles c'est bien, mais les actes c'est meilleur. Paye tes crons, va pas te faire passer pour un mauvais payeur. C'est pas bon le pilon et je t'assure, moi faut que j'arrête. En plus, ma mémoire rame depuis que je fume des barrettes. Retiens bien ta langue, surtout en GAV. J'espère que dans ta tête c'est clair comme un jean délavé. Et picore pas avec les poules jeunes, avec les aigles. N'écoute pas les rappeurs, l'exception confirme la règle. Je vais pas t'écrire des textes qui te mènent à ta perte. Ni ressasser le mal, on est assez dans la merde. N'écoute pas les rappeurs, l'exception confirme la règle. Je vais pas t'écrire des textes qui te mènent à ta perte. Ni ressasser le mal, on est assez dans la merde. Y'a rien sans rien pour réussir, il faut se battre. Sans jamais se courber, faut pas lécher les sebas. Protège-toi, même si tout se noie dans la masse. Même si elle a l'air qu'il n'y a pas d'indice pour voir le DAS. En amour, sois direct et ne fais pas de détour. Écoute la tête, pas le cœur, il joue de sacrés tours. Trop bon, trop con, ouais un jour tu comprendras. Fais gaffe si tu donnes ta main, on prend ton bras. Et ne joue pas avec les femmes, ne fais pas ton gamin. Tu sais, certaines ont plus d'un tour dans leur sac à main. C'est clair qu'en cherchant la sienne, on se fait deux trois bosses. Mais si tu lui mets la main, tu demandes la fais-lui deux trois gosses. Sans diplôme, tu n'es rien. Alors ne lâche pas l'école. Je connais plus d'un adulte qui regrette ses années folles. Et dans le chantier de la vie, surtout ne fais pas de trêve. Travaille sans relâche, n'écoute pas les briseurs de rêve. Nous propos au Père Noël, n'attends pas le Messie. Calcule pas les ralentisseurs, ton but est précis. Et les idées claires, et pas farfelues c'est mieux. Si t'as un truc à faire, fais-le, n'écoute pas les haineux. Essaie de franchir les étapes sans les brûler. Calcule pas les gens qui tenteront de te faire passer pour un enculé. Je vais pas t'écrire des textes qui te mènent à ta perte. Niveau ça c'est le mal, on est assez dans la merde.